Allô, c'est Alastair Sin du groupe From Hell. Vous écoutez Rive d'Enfer sur Arcuset 95 FM. Eh bien, bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM, avec vous jusque 22h, Scream pour l'émission Riff d'Enfer. Sylvain ne va pas tarder. Je remercie Ezekiel de nous avoir passé si gentiment l'antenne. Alors, avant de commencer l'émission, je bafouille, on va rendre hommage à un grand monsieur qui nous a quitté la semaine dernière. Il s'agit de Warren Dane, qui a chanté entre autres avec Sanctuary, Harry, Nevermore, que j'ai eu l'occasion de voir, qui était vraiment très très bon. Voilà, rip à toi, hein. Tu nous as quitté le 13 décembre. Franchement, 2017, la faucheuse, arrête de casser les couilles aux gens et rentre chez toi. Franchement, il y en a marre, que ce soit dans tous les domaines, arrête-toi, bordel, quoi. Et nous, on va rendre hommage donc à Warren Dane avec un titre de Nevermore, extrait de l'album In a Mine of Reality. C'est parti les amis, rip à toi Dane. We'll be right back. Voilà, donc c'était pour rendre hommage à Dean Warren qui nous a quitté le 15 ou le 13, ben voilà, rip à toi, chanteur de Nevermore et de Sanctuary. Bonsoir Sylvain. Eh bien bonsoir. Remise de tes émotions. Bah écoute, ça va et toi? Ah oui, oui. A red wine bottle, yes, all right. Voilà, très bon concert. Donc tu veux un peu nous raconter tout ça, parce que bon, déjà je te laisse raconter, parce que tu apprécies très fort ce groupe. Oui, donc on a été voir Inglorious à Vauréal, Paris, juste à côté de Paris. Et franchement c'était génial, une bonne ambiance. Et puis j'ai bien aimé, c'est qu'il est descendu dans le public pour chanter. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était vachement sympa. Ouais. Mais là, il peut se permettre. On n'était pas nombreux, faut dire la vérité, hein. Mais il peut se permettre. Mais moi, j'avais peur qu'il craque son pantalon quand il descend. Oh, t'es vache, hein, quand même. Non, dis ça comme ça. Non, franchement, j'aime mais bien. Non, mais j'avais vu dans les vidéos qu'il descendait. Sur cette tournée-là, quoi, il descendait dans le public. Et ouais. Je me suis dit, je sais pas s'il va le faire chez nous, on sait jamais. Hein. Ouais. Et oui. Bah, voilà, en plus, il savait bien qu'il pouvait. Il était en bonne compagnie. Enfin. Voilà. non, mais c'était vraiment un bon concert. Et... Ouais, c'était bien. On s'est bien amusé. La première partie aussi, elle était bien. Ouais, c'était Drainlines qui devait jouer il y a 2 ans, si mes souvenirs sont bons, au Rhymefest, mais qui n'avait pas pu pour problèmes. Voilà. Ou autre, hein, on sait pas. Mais on les aura, Drainlines, on les aura en interview. Peut-être même, je peux pas trop vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, quoique je ne tue pas des ours. Mais peut-être qu'ils viendront même ici, sont chauds et patates, pour venir faire un petit set acoustique quand ils sortiront leur deuxième album. Ouais, ils sont sympas. Hein. Ouais, ils sont jeunes aussi. Hein. Mais ils prennent bien les critiques, c'est ça qui est bien. Cool, quoi, j'aime bien, moi. Mais ils prennent bien les critiques, c'est ça qui est vraiment bien. Mais c'est un bon petit. Ils m'ont dit, on était intimidés et. On connaît très bien Nathan, qu'il avait rencontré donc, au REMS. Et c'est grâce à Nathan qu'ils ont pu. Nathan a voulu que ce soit eux, même s'ils ne sont pas au sommet, mais que ce soit eux qui viennent jouer. Quoi. Ils ont bien mis de l'ambiance. Hein. Ils ont mis le feu. Ils ont mis le feu, quoi. Bon, c'est vrai, c'est des petits jeunes, hein, la vingtaine, je dirais 20-25. Quelle est ta chanson que tu as mieux aimée d'Inglorious, peut-être À mon avis, c'est toutes. Bah, écoute, ouais, elles sont pas mal. J'avoue que ma préférée, bah, c'est justement Inglorious. Inglorious, leur parcours. Ouais, d'accord. Ouais, moi, c'est Gypsy. Ouais, elle est bien aussi. Bah, elles sont toutes bien. Ouais. Je rigole, mais je t'expliquerai un truc tout à l'heure. par contre, Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'expliquerai un truc tout à l'heure. Par contre, je tiens à dire, ils ont rendu hommage à Soundgarden avec Black Hole Sun, version acoustique. Et j'ai vraiment bien aimé cette version. Ouais, j'espère qu'elle figurera peut-être sur Alive. Ah, qui sait. Ouais, non, c'était sympa. Moi, j'ai bien aimé ce concert. Franchement, j'ai rien à redire dessus. Ouais. Je trouve pas la critique. Tu vois, j'ai trouvé vachement à l'aise avec son public. Parce que des fois, il est un peu timide ou réservé, on va dire. Je sais pas trop. Là, j'ai trouvé vachement à l'aise. Ouvert. Moi, la seule critique que je peux faire, c'est même pas vers le groupe, c'est vers, encore une fois, des lights. On parle avec des amis photographes, des lights pouilleux, quoi. C'est atroce. On voit rien. On voit rien du tout. En tant que public, on ne voit rien. Avant, on avait encore deux mecs qui étaient payés pour ça, des poursuites, qui suivaient les artistes. Maintenant, ils se battent et ils programment même plus, quoi. Nous aussi, hein, c'est désagréable pour nous, hein, parce qu'on ne voit pas. En fin de compte. On voit pas bien, c'est trop. Ouais. Trop. Voilà. Et ben, c'était bien. Voilà. Ah bon, et on a terminé l'année avec un concert Inglorious. On n'avait pas notre slasher qui était avec nous. Ben voilà. Non, bah non. Mais lui redémarre en beauté, lui redémarre avec Creator. Ouais, lui ça va être du violent. Plus mouvementé. Allez, on va poursuivre notre programmation musicale avant de retrouver sa slasher song. On va d'abord écouter Atlas Pain avec To the Moon, What avec ça de l'album What the Ewok Left. C'est parti, c'est tout de suite, c'est là, c'est maintenant. We'll be right back. Voilà, donc c'était Atlas Pain avec To The Moon. Voilà, et je remercie, je profite parce que bon, je veux pas, j'aime pas du tout, je suis pas du tout la personne à m'afficher, loin de là, mais il y a beaucoup d'auditeurs qui me souhaitent bon anniversaire. Merci, mais je ne vous dirai pas mon âge, je ne vous dirai pas que j'ai 49 ans, que j'ai toutes mes dents. Cela ne regarde que moi. Voilà, mais merci à vous, ça me fait plaisir. Le prochain, ben, c'est la Slasher Song. Il n'est pas là, mais il nous met toujours des trucs un peu fous. Et là, il a choisi d'un groupe qu'il a reçu. Mm-hmm. Il s'appelle, le groupe s'appelle Midnight, Helion. L'album s'appelle Condemned to Hell. Et il a demandé de jouer la 2. Donc il me fait, ah, tu joueras la 2. Hein. Et la 2, c'est tout simplement Death Dealer, donc le dealer de mort, hein. Ouais, c'est et ça. On va s'écouter donc son titre, hein, du slasher. Encore une fois, quelque chose de bien, bien barjo, bien trashy, comme il aime et comme on aime aussi. Voilà, donc c'est la slasher song d'aujourd'hui. Alors, c'est le slasher sur RQC 95 FM sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma slasher song. Voilà, donc c'était la slasher song. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Un peu bourrin, mais toi t'es pas tellement très trashy, hein? Mais non. Mais c'est pas mal, hein, quand même, hein, pour des petits groupes comme ça qui essaient de se lancer. Et c'était. Ah oui, hein, ouais. Je critique pas du tout. Ouais, hein, non, je sais, mais c'est bien quand même. Bon, moi je reste dans mes classiques, j'avoue. Mmh. Et c'est Midnight Helion. Et ce qui est marrant, c'est que c'est quand même des ils font des CD comme ça, je le montre là à la caméra. Hein. Ils ont quand même le cran d'en tirer 700, quoi. 700, c'est quand bien. Même, c'est pas mal pour des petits groupes. Ça coûte cher. Mmh. Et le titre que le slasher avait décidé de passer, c'est Death Dealer. Voilà, voilà, voilou. Alors, on poursuit avec Mike Lepon. Avec son groupe qui s'appelle Mike Lepon Silent Assassin, avec le titre Avenger of Eden, extrait donc d'un futur album qu'on attend avec impatience. On se retrouve tout de suite après. Bien entendu, on aura aussi la Sylvain Song qui est la balade grapuleuse, la dernière balade. Je ne sais pas si c'est la dernière balade. Non, je me sens motivé peut-être pour venir lundi, mais ça, bon, c'est mon libre choix. J'irai faire le sapin avec les boules de Noël. Et voilà. Voilà, au milieu du studio. Non, mais je rigole, mais je ne sais pas. Il y aura peut-être une émission Noël, je ne sais mais pas. Mais d'habitude, c'est vrai qu'on met un sapin Noël. Ouais, mais je n'ai pas fait. C'est moi qui le fais. Je n'ai pas fait cette fois-ci. Quoi. Autant pour moi. Autant alors, pour gros, moi. Ça arrive, hein. Voilà, c'est ma faute. Allez, après. Mike Lepon, c'est tout de suite, c'est maintenant. Voice and see. Eh bien, pas mal du tout, hein, Mike ouais. Lepont, Silence Assassin, avec le titre Avenger of Eden. On parle un petit peu, on n'a pas eu le temps. Moi, j'ai pas fait tellement trop le debriefing aussi de Vur la fois dernière. Je vous avais dit que c'était pas mal. Maintenant, moi, je voudrais bien avoir un peu ton ressenti aussi sur les affiches de festivals qui viennent de sortir. Ouais. Notamment le Download et aussi le Hellfest qui vient de sortir. Quel est ton ressenti? Je crois que toi, ton cœur balance plus sur le Download. Bah, oui, hein. Il y a Mister Ozzy déjà. Oui, il y a Ozzy, il y a Guns N' Roses, il y a Ghost. Je ne sais plus après qu'est-ce qu'il y a. Il y a plein de groupes, hein. Des musiciens qui jouent de la musique. Non. Ouais, déjà. Ouais. Et puis certainement des gens qu'on ne connaît pas non plus, je pense surtout au niveau du Hellfest. Mais c'est pas vraiment une affiche qui me botte, moi, le Hellfest. Je suis désolée. Hein. Donc, pour les fans qui veulent peut-être voir Sylvain, ils auront plus de chances de croiser Sylvain du côté du Download que du côté du Hellfest. Je sais pas, mais bon, encore, je vais pas faire tout le Download. Hein. Bah, tu sais, j'en ai déjà discuté avec beaucoup de gens, je suis pas très festival. Ouais, je sais. C'est grand. Moi, j'aime bien d'être souvent près de la barrière, quoi, faire le crash barrière, comme on appelle. Ouais. Et personnellement, au festival, c'est impossible. Voilà, il faut gruger toute la journée. Ouais. Pas possible. Et puis se mettre une sonde, parce que quand tu l'as fait pipi, c'est la guerre. Se pisser dessus, j'en sais rien. Ouais, bah, bon, à mon avis, il y en a certains que ça dérange pas. Bon, bah, je pense aussi. Après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Sinon, je suis un peu déçue. C'est ce qu'on discutait cette semaine ensemble. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant, pas ici. Non, dans le Nord, par chez nous, on est un peu... Nord Belgique, je trouve que ça ne tourne pas beaucoup. Un peu tristouné quand même, à l'air de rien. Ouais. On verra bien quand les fêtes vont passer. Mais là, franchement, la prog, prochain gros big concert pour nous, c'est Creator, qui passe le 11 janvier, si mes souvenirs sont bons, c'est un jeudi. Ouais, c'est ça. C'est un truc comme ça. Après, on verra bien ce qu'il y aura, mais c'est vrai que c'est un petit peu... Il y aura Moonspell aussi, quand même. Ouais, il y a Moonspell, ouais. Mais après, on verra bien. Il y a Threshold, mais c'est un peu pauvre pour le moment, quoi, franchement. Et c'est vraiment dommage et tristouné, quoi, à la fin. Franchement, moi, je suis un peu déçu, je te le dis honnêtement. Donc, les programmateurs, franchement, essayez de faire quelque chose. Hein. Il y a quand même une demande qui est là. Il y a une demande qui est là. Hein. Nous, on a quand même passé sans reproche un bon 250 bornes pour aller voir un groupe qui aurait pu remplir une salle. Il aurait pu remplir, par exemple, un De Kreun. Un De Kreun ou... Un Splendide. La petite partie de l'aéronef là, comme il y avait les gens là, qui jouaient de l'accordéon, je ne sais plus leur nom. Steven Seagull. Oui, Steven Seagull. Ils étaient bien sympas, les mouettes, ça fait penser à quelqu'un, mouettes d'ailleurs. Voilà. Allez, Ammunition avec Freedom Finder. L'album doit arriver incessamment sous peu. On l'attend avec impatience aussi. C'est parti. Et tu me diras ce que t'en penses parce que ça, je crois que c'est plus ta calme. Ok. Made me tipsy. Waouh ! Alors, pas mal, hein ? Ouais, c'est bien. Ça, c'est plus ta cam. Ma cam, ouais. Voilà. Bon, chacun les goûts, les couleurs. Ah oui, hein. Hein. Mais bon, c'est bien. Ça doit... En plus, ça doit être bien sur scène quand même, comme ça, un petit peu des trucs comme ça. Alors, moi, j'avais rappelé, mais la semaine dernière, on s'excuse de ne pas avoir fait émission, vu le temps qui était merdique, malheureusement. Voilà, toute la station a été pratiquement chamboulée pour les émissions. On s'en excuse. Alors, j'avais annoncé que quand on entendrait, que je secourais le Père Noël pour entendre sonner ses cloches, on offrira un CD. Mmh. Donc, on va jouer le jeu. Mmh. Et donc, quand vous entendez les cloches du Père Noël qu'on va bien secouer, il a des grosses cloches, donc ça va sonner automatiquement. Quelles sont les cloches du Père Noël ? Ah, mais je ne peux pas le dire, je ne peux pas le montrer non plus. Hein. Vous enverrez tout simplement un mail en nous disant tout simplement, ben voilà, j'ai entendu les cloches du Père Noël sonner à plus ou moins une telle heure dans l'émission, et vous recevrez un CD, bien entendu. Donc c'est le premier qui, pas à la seconde près, on va être gentil quand même, à la minute près. Donc c'est sur riffdenfer.rqc@gmail.com. Comme, voilà, donc quand vous entendez les cloches du Père Noël, ben, vous nous le dites et c'est simple, vous remporterez un CD qu'on vous enverra, bien entendu. C'est Noël, les amis. Eh oui, c'est Noël. Voilà, voilà, voilà. Donc, comme je vous ai dit, il a des grosses cloches quand même. Hein. Donc voilà, c'était ça les cloches du Père Noël. Voilà. Voilà. Donc voilà, vous allez l'entendre encore trois fois dans l'émission. Donc tendez bien l'oreille et ça ne sert à rien de secouer les cloches de vos amis ou quoi. Je sais bien à quelle heure j'ai fait sonner les cloches. Voilà. Voilà. Allez, le prochain titre qu'on va s'écouter, ben, c'est tout simplement Nouveauté. Merci tonton Roger. Avec Black Moth, l'album s'appelle Anatomical Venus. Et on va s'écouter Istar Lego. Non, mais je déconne, hein, franchement, je déconne. We'll be right back. Voilà, donc c'est une petite nouveauté encore que Tonton nous a envoyée, hein, qui s'appelle, ouais. Donc le groupe s'appelle Black Mouth. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Hein, ce... Moi, j'appelle ça un petit peu avec des sons un petit peu psychés sur les bords. Hein. L'album s'appelle Anatomical Venus et c'est Istra le titre. Voilà, voilà. Alors là, le prochain, bah, c'est Alkaloid. L'album s'appelle The Malkuth Grimoire. Et on va s'écouter From Hadron Machinist. Mais juste avant, Sylvain, la Noël se prépare bien, le réveillon ? Bah écoute, oui, ma foi, oui, ça se prépare tout doucement, on va dire ça comme ça. Bon, à part ta demande de bons concerts dans la botte du Père Noël, est-ce qu'il y a peut-être des demandes un peu plus spécifiques en sortie d'album, peut-être, que tu aimerais bien te voir arriver, peut-être ? Bah, je suis pressé quand même d'avoir le dernier album de Ministry quand même pour voir ce qui nous a mijoté. Oui. Parce que pour voir si c'est bon quoi. D'accord, d'accord. En concert, ouais, je suis quand même assez pressé de voir certaines personnes, ouais. Mmh. Dont Ozzy. Ouais, j'aimerais bien te voir Ozzy, c'est mon rêve, c'est vrai. Mmh. Hollywood Vampires aussi, j'aimerais bien d'aller les voir. Ouais. J'avoue aussi. Il y a quand même... Après, il y a plein de gens hein, qu'on aimerait bien te voir. Mmh. Ouais. J'aimerais bien de revoir Inglourious, ça j'avoue, je les aime bien. C'est comme ça. Mmh. Bah ça va, t'as quand même eu un beau cadeau de Noël. Là, ouais, là j'ai hier, eu un beau cadeau de Noël. Ils étaient là hier, quoi. Ouais. Voilà, voilà. Ouais. Puis on s'est bien marré avec eux. Mais je veux dire, voilà, à une semaine près, c'était presque ça. Hein. Ouais. Et pour mon cadeau de Saint-Valentin, bah, je sais déjà quoi. Ça sera les Steel Panther. Les Steel Panther. Montrevonichon. Montrevonichon, comme dirait Satchel. Ouais, je pense que. On ira certainement faire un petit tour ou sur Paris ou... Au Luxembourg. Ouais, on verra bien. Voilà, voilà. J'en profite pour faire un petit coucou à tous les auditeurs et auditrices qui nous regardent. Eh oui. Excusez-moi si je vous tourne le dos, mais je ne peux pas faire autrement. Allez, je vais faire un plaisir, je vais me retourner deux secondes. Bonjour. Voilà. Tu devrais mieux te retourner. Bonjour. Voilà, et aussi donc, tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur la bande FM, car vous êtes nombreux. Vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM, donc avec vous jusque 22h, Sylval et moi-même pour l'émission Rive d'enfer. Le slasher nous écoute de loin, mais bon, je sais que ses pensées sont avec nous, hein, le petit slasher, voilà, qui sera là bientôt. Hein, enfin, en attendant, c'est Alkaloid avec From Hadron Machinist. Thank you. Voilà, donc c'était Alkaloid avec From Ardion Machinist. Pas mal, un morceau un peu épique comme ça, long, mais ça fait du bien. Juste avant la balade crapuleuse de peut-être de cette fin d'année, parce que je, comme je disais, je ne sais pas si je vais être là le 24. Toi, je suis sûr et certain que tu, le 25, tu ne seras pas là. Ah, le slasher ne sera pas là non plus. Donc, fatalement, le réveillon de Nouvel An, ben, c'est rebelote. Donc, je ne sais pas. On va peut-être dire que tout à l'heure, on écoutera peut-être la dernière balade de l'année 2017. Voilà. On n'est pas encore sûr. Ben, je verrai après. Alors, là, on va s'écouter Enzo and the Glory Ensemble avec The Tower of Babel, la tour de Babel. Quoique ça aurait été beau aller voir quand même la tour de Babel si elle aurait toujours existé. Ouais. Avec donc l'album s'appelle In the Name of the Sun. C'est nouveau, c'est tout frais. Je ne dirai pas le reste parce que c'est de la pub et je ne le dirai pas. Voilà, Enzo and the Glory Ensemble avec The Tower of Babel. Voilà, c'est spécial, hein. Bon, on termine la première heure avec vraiment de l'hippic comme ça, avec Enzo and the Glory Ensemble, avec The Tower of Babel. Ça pourrait figurer aussi comme une musique de film, hein, pourquoi ouais. pas, voilà. C'est vraiment bien foutu. Vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM, avec vous jusqu'à encore une petite heure, Sylval et moi-même, pour l'émission Rive d'Enfer. Là, il est l'heure de passer à la balade crapuleuse. Quand je dis crapuleuse, je ne vais pas faire de strip sur la table, non, vous ne regardez pas. Oh. Non. Oh. Mais c'est un groupe. Nous fait toujours espérer. Oui, oui, mais bon, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça voudrais bien, mais je peux point. Ça pèterait les. Comment on dit l'audimat, alors ça n'irait pas, quoi. C'est un groupe qui est. Ah ouais, là, ça serait le record, je te regarde. Ça serait rock'n'roll. Là, ce serait plus Agile qui dirait « Montre-moi mon nichon !» Alors, c'est un groupe qui est fort catalogué balade. Et quand je dis balade, ben, directement, ben, je dis le nom du groupe. Les gens viennent directement, ça leur vient à l'esprit de dire directement, si je vous dis Scorpion, la première balade que vous allez penser, c'est « Still Loving You ». La deuxième balade qui va vous venir à l'esprit, c'est « Holiday » ou alors peut-être tout simplement « Save Me Angel » ou « Wind of Change ». Mais c'est un groupe qui a fait énormément de balades. Chaque album des Scorpions, il y avait une balade. Là, ils viennent de sortir un nouvel album, un nouveau Best of Rock balade qui s'appelle « Born to Touch Your Feeling ». Je ne vais pas vous passer cette chanson, pourtant c'est ma préférée en balade. Tout simplement pourquoi ? Parce que elle a été revisitée et je le disais au slasher, on écoutait dans le bureau roulant qui est notre voiture. Je lui disais, ben merde, ils l'ont massacré cette chanson. Faut savoir que à la fin de la chanson de Born to Touch Your Feeling, à l'époque c'était Illusion Road qui était aussi à la guitare. Ça, j'ai rien contre tout ça, mais seulement il y avait à un moment donné tous des chœurs de femmes qui reprenaient des paroles. C'était en japonais, en anglais, en allemand, en français, et ça a donné du charisme à la chanson. Donc là, j'ai pas choisi celle-là. Je vous ai choisi titre de l'album Animal Magnetism. Une pochette qui avait été aussi à l'époque un peu critiquée. Pourquoi ? Parce qu'on voit une femme à genoux devant un homme debout. Donc je vous laisse imaginer les gens ce qu'ils pensaient déjà à l'époque. Et la balade que je vais vous faire écouter, c'est tout simplement Lady Starlight, une putain de bonne balade. Et voilà, je n'ai que ça à dire, franchement. Et essayez de voir aussi Scorpion à d'autres trucs que Still Loving You, Wind of Change, Holiday ou des choses comme ça. Il y a des super bonnes balades. Vous allez le découvrir par vous-même. Oh Mindy. Oh John. Ce slow est pour toi. Ce titre. Oui. C'est la balade. La balade crapuleuse. Dreaming through winter night. cette balade, enfin. Enfin, ça me rappelle toute une jeunesse quand même, hein, Animal Magnetism des Scorpions. Super balade, Lady Starlight. Et vous voyez, il n'y a pas que Steel Ovinio qui est bien. Ouais, il y en a plein. Il y en a plein des Scorpions, franchement. Et c'était aussi l'arrivée de Mathias Diab qui remplaçait Uli John Roth, qui avait décidé de quitter le groupe à l'époque. Voilà, donc avec Lady Starlight, les amis. Super balade, comme je vous l'avais dit. Ouais, si c'est vrai. Voilà donc, c'est simple, hein, rivedenfer.rqc@gmail.com et vous nous dites vers quelle heure on a passé le jingle, les cloches du Père Noël. Moi j'appelle ça comme ça, les boules du Père Noël. Voilà, le pauvre, elles doivent être bleues maintenant, elles sont plus rouges. Depuis des années qu'on le joue, quand même, chaque année, il a peur. Arrivé à décembre, il se dit, j'ai peur, je vais mettre des fausses. C'est pour ça que si vous entendez un jour, c'est que c'est des fausses. Voilà. Alors le prochain, on va vous jouer Sylvain et moi, pas nous, hein, parce que si on joue, c'est fini, la radio fait faillite. Non, on va vous jouer Scarlet Riot. Pourquoi Scarlet Riot? Parce que justement on en a parlé en allant au concert hier de Inglorious. Ils seront donc au Kraken Festival. Donc voilà, et on va s'écouter Closer. Non, c'est pas, je fais pas de la pub pour le magazine, qui est un véritable torchon pour certains. Ouais. Le titre, c'est par exemple Closer. C'est le titre Closer. Mm-hmm. Et l'album s'appelle Regenerate. C'est Scarlet Riot. C'est tout de suite, c'est maintenant, là, sur Rive d'Enfer. This is real, we're crawling down. My Alors, partante pour le Kraken peut-être ? Peut-être, on verra peut-être. Bien. Un bon petit festival quand même. Et je tiens à tirer mon chapeau auprès de Sylvie qui organise parce que elle aussi, elle envoie. Elle est courageuse et elle le mérite. Hein. Ouais, elle envoie beaucoup. Elle envoie beaucoup. Ouais. C'est pas évident d'organiser maintenant quelque chose à l'époque, à l'heure actuelle surtout. Oh ouais. Voilà. Donc, comme on dit aussi hein, ici dans RQC, Rive d'Enfer, et même. Les autres émissions, hein. Vous êtes tous et toutes les bienvenus hein, et les bienvenues. Donc, si vous voulez passer un coucou ou quoi, il n'y a pas de souci. Vous arrivez, vous sonnez, vous prévenez avant, c'est mieux parce qu'il y a des personnes qui ferment la porte le soir. Hein, voilà. Ouais. Bon, moi, avec ma musculature de kéké, non, je dis ça comme ça. Mais voilà, et quand vous gagnez un lot, venez le chercher. Mais maintenant, si vous avez joué maintenant, venez pas chercher votre lot, vous venez le chercher. Peut-être, enfin, je sais pas, peut-être la semaine prochaine, on verra bien quoi. Voilà. Je fais un petit coucou aussi à Jérémy qui nous écoute, qui a remporté le EP de Chargotte, le groupe qu'on a fait l'interview. Voilà. Le groupe Indus. Oui, et à Julien aussi qui a remporté ce groupe Indus. Voilà. Voilà. En parlant d'Indus, il y a plein de groupes qui naissent et qui reviennent avec un nouvel album. Notamment, si tu te souviens, mais je ne l'ai pas ici, on l'a reçu, mais je n'ai pas eu le temps de le préparer. C'est Megahertz, je ne sais pas si tu te souviens, c'était pas mal du tout le premier truc qu'ils avaient fait. Et là, un nouvel album qui arrive, on vous fera découvrir bientôt. Voilà. Alors, juste avant de retrouver ta Sylvalsung, Deathless Legacy avec Ritual of Black Magic, c'est parti, c'est là, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est là. Voilà donc Deathless Legacy avec Ritual of the Black Magic. Alors, très cher Sylvain, tu as choisi quoi ? Alors moi j'ai choisi le groupe Chakra avec le titre I Will Rise Again. Ah, ça si c'est le téléphone qui... Non, qui... c'est le tien, c'est pas le mien. C'est le mien qui vibre. Voilà. Voilà, bon, pourquoi ? Peut-être pour une bêtise, hein, je sais pas. Hein. Ouais. C'est pour me dire je m'aime. Voilà, c'est bien, bon, voilà. Hein, je m'envoie des messages pour me dire je m'aime. Non, non c'est le slasher qui m'a envoyé un petit message, quoi. Voilà. On avait vu Chakra. Hein. Oui, il y a 2 ans, je pense. Il y a 2 ans, ça va faire 2 ans déjà. Ouais. Ouais. Eux aussi ne tournent pas beaucoup par ici, c'est dommage parce que c'est bien. Ouais, ouais, si c'est vrai, Chakra, c'est pas mal. Ouais, mm. Voilà, voilà. Donc, je te laisse annoncer ton titre. Alors, Chakra, I Will Rise Again. Et c'est la Silver Song. Eh oui, les métalleuses et les métalleux, c'est l'heure de la Sylval Song. Yeah! Thank You. Voilà. Oui, sacré groupe, hein, ça, Chakra. Ouais, Chakra, Chakra. Ouais. Chakra bien. Ah ouais, ça. Chakra ça bien. Ça joue bien. Ouais. Voilà. Voilà, donc c'était avec le titre. Bah, tu vas nous le dire. I'll Rise Again. I'll Rise Again. Et pas I'll Resurvive. Non, parce que ça, je ne veux plus l'écouter, cette chanson. Non, très très bon groupe que je vous conseille de voir. Tu es bien aussi, celle-là. Non, mais non, ça, j'aime pas. Non. Ça, non, non, non, non, non, non. Voilà, donc Chakra que je vous conseille de voir, qui est vraiment un super, super groupe suisse. Ouais. Alors, le prochain, ben, c'est Throne of Heresy, avec l'album s'appelle Decameron, pas James Cameron, mais Decameron, avec Pax Mongolica, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est ici, c'est sur Rive d'Enfer, restez bien branchés. We ride. Voilà, ça c'est un peu pour se réveiller juste avant d'aller dormir quand même. Hein. Throne of Heresy avec Pax of Mongolica. Voilà, comme ça, si vous aviez tout doucement vous piqué du nez, ben, ouais, voilà, ça, vous êtes réveillé. Ça vous a réveillé. Et pour ceux qui font du Hamburger's Bowl, ben voilà, du Humbanger. Faites attention, si vous mangez vos pâtes, je vous l'ai toujours dit, vos cheveux dans les pâtes, c'est pas très bon. Hein, voilà. Par contre, voilà, c'est agréable quand même, si vous voulez pogoter avec la dinde, voilà. Ou la dinde. Ouais, je sais pas pourquoi, tu sais, Mr Bean qui met bien la dinde sur sa tête, pogoter ou faire du hamburger avec une dinde sur sa tête, ça doit être assez marrant quand même. Je sais, je suis un peu délire, je suis en option délire aujourd'hui. Ouais. Alors, Chocora, Chakora bien, j'en sais rien du tout, je suis pas bien. Voilà, l'album s'appelle Chocolat Barbien. C'est Chakora avec Lost, c'est tout de suite, c'est maintenant, vous êtes bien branchés sur RQC. Très rock'n'roll quand même, un Chocorat. Ouais, c'est bien ça. Ouais, avec Lost. Très bien. Voilà, rien à dire. Encore une petite nouveauté que tonton Roger nous a envoyée qui s'appelle Stonebroken. L'album s'appelle And Always Easy. Et on va s'écouter Worth Fighting For. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est là. C'est juste là. Waouh. Stone Broken avec donc Worth Fighting For, ben c'est fort, fort bien. Ouais, ça joue bien aussi ça, ouais. Oui, voilà, merci tonton. Hein. Que dire de plus ? Ben, j'espère que tout va bien pour vous. Parce que nous, ça va très bien. Voilà, j'ai cherché un peu mes mots, comme ça je suis un peu troublé, parce que je suis un peu troublé. Voilà, que voulez-vous ? Parce que on va vous jouer Magic Touch, avec The Great Escape. C'est pour ça que j'étais troublé, parce que Blind, Chains, Whips and Fire, c'est tout un titre d'album qui est très très long. Je crois qu'il y a envie d'une boîte de chocolat, mon chéri. Ouais, oh, non, pas le mon chéri, j'aime pas trop la cerise. Ah ouais, comme ça. Ah, j'adore ça, moi. Ah, moi, je préférerais plutôt les choses qui commencent. Tu vois, je peux pas dire de pub, hein, mais tu vois, c'est sur dans les nuages, tu vois, c'est on tire un. Ah ouais. On bande un arc, je dis bien, bander un arc, hein, parce que bon, il y a des gens qui sont mal pensants. Et puis après, il y a une pyramide de petites boules dorées qui tombent comme ça. Ça, je m'en ferais péter quand même. Hein. Je dirais pas péter la rondelle, mais péter tellement c'est bon. Donc c'est une histoire bon, de quoi. Bande avec des boules. Ah ouais, qui tout pètent. À fait. C'est toute une histoire de boules, quoi, parce que bon, bah voilà. C'est bientôt la Noël et voilà. Et ce qui est malheureux, c'est que ces genres de chocolat, bah, on les retrouve généralement qu'à cette période de Noël et on pourrait les retrouver tout le temps généralement, quoi, voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est toute une histoire de boules en général. Toute une histoire de chocolat. Voilà donc, je ne peux pas vous dire l'heure, mais si vous avez bien noté, ben vous envoyez un message sur rivedenfer.rqc@gmail.com et vous nous dites l'heure, qu'elle s'est passée, les petites cloches du Père Noël et vous remporterez un CD, les amis. Voilà. Allez, Magic Touch, je vous l'ai promis, il est là avec The Great Escape. The blind man in a black. Voilà, The Great Escape avec Magic Touch. C'était pas mal. Ouais. Alors là, on va aller du côté de la Russie avec Ivan Moladinov. Non, on va s'écouter Ivan Moladinov avec Soulfinder, extrait de l'album éponyme aussi. Il y a Valérie qui est en train de se... Sylvain qui est en train de se marrer comme Babozib. Voilà, j'ai pas mangé de clown aujourd'hui. Je n'ai pas bu parce que je ne bois pas. Mais voilà, j'ai envie de rigoler, quoi. Voilà. Voilà. Voilà. Puis c'est son anniversaire aujourd'hui. Hein. Voilà, ouais, c'est T'as ramené le gâteau, j'espère. Oui. Il est dans le four, quoi. Si c'est moi qui l'ai fait. Non, voilà, mais bon, c'est vrai que l'humour est très important, surtout par les temps qui courent, quoi. C'est voilà, sûr. Donc vaut mieux rigoler, faut rigoler, comme disait notre ami Henri Salvador, faut rigoler, les poils dans le nez, ou les doigts dans le nez, je sais plus ce qu'il disait, mais enfin c'est quelque chose comme ça. Je sais pas, j'invente des chansons. Allez, Ivan Miladinov avec Soulfinder, c'est maintenant, c'est là. Ivan Miladinov avec Soulfinder. Nous ne sommes pas sonnés le mal. Le prochain, c'est Elvel King avec Dragon's Malstorm. Voilà, c'est pas mal. C'est nouveau, c'est tout frais. Et c'est ça. We'll be right back. Juste un instant, Evil King avec Drugs Maelstrom. Alors, juste un petit truc. Ouais. On va se retrouver l'année prochaine autour de la table. Sylvel, le slasher, et Rico, qui est animateur aussi dans... C'est la danse des canards ? Non, les canards vont à la mare, tous les canards vont à la mare. Ouais, on vous fera notre top album. De... Un top album ou top concert ? Si tu préfères faire top concert, tu peux faire top concert. Si tu préfères faire top album, tu peux faire top album. Voilà. Ou tu peux faire top là. Non, mais voilà, on fera un top album de nos meilleurs sorties. Le meilleur album pour nous, voilà. Et il peut même avoir un album de tous les temps, hein, comme moi, mon album de tous les temps, tout le monde sait ce que c'est, et ça restera toujours mon album de tous les temps, voilà. Chantal Goya, voilà. Allons danser avec Minnie au bar des Son of Anarchy. C'est la version remasterisée. Non, mais... Son of Anarchy. Voilà, Soon Sons of Anarchy. Voilà. En parlant pour une certaine Mike de Baker. Ouais, voilà. En parlant justement de ça, ben il y a quand même des gros artistes à l'air de rien. Là, je regardais. Il y a Marilyn Manson dans la saison 7. Il y a Henry Rollins dans les autres saisons. On a aussi Courtney Love qui est ex Madame Kurkomain. Voilà, il y en a plein comme ça qui font un petit passage. Allez, moi j'ai besoin d'un docteur. On va aller voir Docteur Living Dead avec Can't Kill the Dead. C'est l'avant-dernier titre. Et après, on se retrouve pour vous dire au revoir, les amis. Et oui. Voilà, Dr. Living Dead avec Can Kill the Dead. Voilà, c'est tout un programme quand même. Alors, Sylvain, il est bientôt l'heure de se quitter, malheureusement. Exact. Moi, je te souhaite un noyeux Joël. Oui. Voilà, et une bonne année, parce qu'on ne se voit plus... Enfin, on ne se voit plus studio. Ouais. Donc, à nos auditeurs, auditrices aussi, un bon Noël, que le Père Noël vous rapporte beaucoup de choses. Secouez pas trop les boules. On fait ce que vous voulez, ça, ça ne regarde point. Et pour les cuisiniers, ben, pour les cuisiniers, ben, les justement, mexicaine. Bourrez bien la dinde. Mais je parle pour les cuisiniers, pour mettre la farce dedans. Tu vois, les gens pensent mal. Et moi, je pense pas mal. Bourrez bien la dinde. Voilà. Bah, si vous prenez la route, surtout, franchement, là, je rigole pas, les amis. Prenez un Bob ou prenez un Sam, je crois que c'est en France, c'est un Sam, ça s'appelle. Ouais, Sam. Sam. Parce que franchement, prenez pas la route pour. Si vous avez bu un verre, franchement, la vie est beaucoup trop importante. Mmh. Et faites pas les cons, voilà. Moi, je sais pas si je serai là lundi, bah, peut-être que je serai là, mon envie, ça dépend. Si j'ai rien à faire, à mon avis, ce sera sûrement le cas. Fini Yoyel plus tôt. Bah oui, mais je serai sûrement là pour l'émission. Bon. Je ferai peut-être l'émission tout seul avec mon poteau en face. Et celui qui veut venir me dire bonjour, il peut venir. Voilà. Voilà. Voilà. Il peut apporter même la bousse de Noël. La bousse de Noël. Voilà. Allez, les amis, on se quitte avec Gravity. C'est pas le film avec George Clooney. C'est plutôt Gravity, c'est le titre. C'est le groupe de l'artiste qui joue. Et ils sont dans le noir avec leur gravité. Allez, ciao, joyeux Noël, les amis! Car faut bien avouer que musicalement c'est difficile de les cataloguer à part dans le registre extrême. Il y a